Dans ma caisse en t-shirt, dans le désert, je suis seul à rouler sans valeur. Je suis sous le soleil avec mon joint, ma bouteille. Je suis fou de joie. J'aperçois sur le sable un gars qui lève le bras. Je m'arrête et il me dit: où tu vas, je lui dis que je ne sais pas. Je vais là où le soleil va. Oh, je vis avec les mains dans les poches. Oh, je vis sans voir ce qui s'approche. J'entre dans la cabane, je vois tout le monde qui s'amuse en chantant la la la la. Et nous buvons, nous fumons à la gloire de cette journée, car nous au moins on vit en vrai. Une fille s'amène, me donne une cigarette, elle me dit: qu'est-ce qui t'amène? Je lui dis que c'est un gars vachement peinard qui va là où le soleil va. Oh, comme nous, il vit les mains dans les poches. Oh, comme nous, sans voir ce qui s'approche. No.